Vous écoutez CKRL 89.1. Actualité. Jeudi 23 juin, ici Dominique Lelièvre et les informations pour CKRL. D'abord, il n'y aura pas de voie réservée sur l'autoroute Laurentienne. La confirmation vient de l'attaché de presse du ministre responsable de la Capitale-Nationale, François Blais. Le gouvernement provincial fait volte-face dans ce dossier après avoir indiqué sa ferme intention d'ajouter une voie réservée aux autobus, véhicules électriques et au covoiturage. L'idée n'avait pas la faveur, on le sait, du maire Régis Labeaume ainsi que d'une partie de la population. La décision d'aller de l'avant avec une troisième voie accessible à tous aurait été prise après que le ministre ait réuni autour d'une même table tous les intervenants, incluant la Ville de Québec. On ignore encore quand les travaux d'élargissement seront lancés sur Laurentienne. La place publique éphémère Charles H. Blais a été inaugurée ce matin dans le quartier Sillery, dans le secteur de Sillery plutôt, situé devant la bibliothèque du même nom. La place s'inscrit dans une volonté de la ville de prolonger les activités de la bibliothèque, d'en augmenter sa visibilité. Citoyens, commerces et intervenants du milieu s'étaient réunis au printemps pour imaginer la place avec un budget de 15 000 $. La vice-présidente du comité exécutif de la ville, Julie Lemieux, ne cache pas que la place vise en plus à dynamiser l'avenue Maguire, qui a perdu des commerces récemment et qui vient de se doter d'une nouvelle image de marque. On considérait qu'ici, Charles H. Blais, c'est une bibliothèque qui fonctionne bien, mais qui était un peu en retrait de la rue, et on avait envie de lui donner une plus grande visibilité, de la rendre peut-être plus, de la rendre encore plus connue qu'elle l'est présentement. Et en même temps, on s'est rendu compte que dans le quartier, évidemment, il n'y a pas beaucoup de lieux de rencontre pour les citoyens à l'extérieur. On pensait que le besoin se faisait sentir, et puis en même temps, on a toujours aussi l'objectif d'aider nos SDC à attirer davantage de clients sur leur artère. Scène internationale, allons en Allemagne, au sud de la ville de Francfort, où l'intrusion d'un homme armé et masqué dans un cinéma a fait craindre le pire. Le suspect a été abattu. Il n'y aurait pas de blessés, selon les derniers récits des médias allemands. Enfin, la Grande-Bretagne et l'Europe entière retiennent leur souffle aujourd'hui, alors que les Britanniques se prononcent sur leur appartenance à l'Union européenne. La campagne a été marquée par de profondes divisions et l'assassinat d'une députée en faveur du maintien du pays dans l'Union. Les résultats sont attendus tôt demain matin. La plupart des sondages placent les camps du Leave et du Remain au coude à coude, mais laissent entrevoir tout de même une légère avance en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Voilà, c'est ce qui complète les informations. De retour à Midi Jazz.